Le journal d'internet sud-coréen Tongelius annonce que la direction de la presse du Comité Sud pour l'application de la déclaration commune du 15 juin a publié une déclaration le 20 courant contre les autorités intervenant dans les affaires de la presse. Rappelons qu'il a récemment donné une satire dénonçant l'injustice de la disposition de SAD. Mécontent, le ministère sud-coréen de la Défense l'a mise en cause et demandé à deux reprises à ce journal de rectifier son contenu et l'a menacé du procès.